j'aurai un truc à te faire écouter, Gérard, je vais même te le faire écouter tout de suite. Parce que vendredi, quand t'es venu, on aurait eu envie de te diffuser ce petit jingle. Il y a un jingle qu'on a récupéré sur Internet. Écoute-le. C'est Eurythmic Sweet Dreams qui a été mixé et en hommage à toi et Yannick Chevalier, bien sûr. Yannick Chevalier, Marc Scalia d'Énergie. Et comme Détasseur, R comme Colleur, R comme Colleur, A comme Alain, R comme Alain, ah oui, surtout. R comme Rotule, D comme Dentition, ce soir, votre alcoolique anonyme s'appelle. Oh putain, Johnny, Jean-Pierre Sosa, on n'a pas de nouvelles. Quoi, ma gueule ? Mais qu'est-ce que ma gueule ? Ah, c'est pas mal, ça. En introduction de tes débats, ça peut être sympa. Ouais, mais sans la musique de Johnny. Sans la musique de Johnny. On enlèvera peut-être la musique de Johnny, effectivement. Ah, on va laisser l'alcoolique anonyme. L'alcoolique anonyme, peut-être aussi, c'est chaud. Si on pouvait demander à Sildar qui ferme sa gueule, d'accord. Ça vaudrait mieux. Non, parce qu'il a raison, parce qu'il y avait dans le jingle, ça dit à un moment donné l'alcoolique anonyme. Est-ce que tu veux qu'on le laisse ça ou on le retire? Non, c'est le sac. On en rajoute, on va retirer anonyme, c'est tout. On le connaît, c'est ça. On rajoute une. Putain, le Troyen de mes deux là, c'était pas le Troyen, il serait peut-être temps que tu nettoies tes oreilles, c'était Manu qui est en train de te parler. Ouais, bah Manu, ferme sa gueule aussi.